Non, c'est bien. Alors, c'est un plaisir d'être avec vous. Alors, si vous voulez, on revient dans Romains chapitre 15, verset 4. Alors, Romains chapitre 15, verset 4. Tout ce qui a été écrit à l'avance a été pour notre instruction. Qu'est-ce qui a été écrit à l'avance? L'Ancien Testament. OK? On peut avoir la Pentateuque, on peut avoir les prophètes, on peut avoir les psaumes. Les proverbes, tout ce qui a été écrit, c'est pour notre instruction. Afin que, l'objectif de cela, par la patience, on a besoin de patience, et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. C'est pas beau ça? Alors ce matin, mon objectif avec l'histoire dans Deux Rois, c'est que vous puissiez partir d'ici avec l'espoir, avec l'espérance, que Dieu peut travailler dans votre vie, que Dieu peut vraiment vous délivrer. C'est l'histoire de la délivrance du peuple d'Israël. Alors, si vous voulez tourner avec moi dans Deux Rois, à ce point-ci, Deux Rois. Alors, le titre de la prédication ce matin, c'est « La bonne nouvelle ». Je trouvais que c'était très intéressant à voir, « La bonne nouvelle », et on va faire quelques liens avec, pour notre bonne nouvelle du Nouveau Testament, qui est l'Évangile aussi. Alors, au chapitre 6, verset 24 jusqu'au chapitre 7, verset 16. Avant de le lire, j'aimerais que vous puissiez retourner à la fin de Un Roi. Ça nous donne le contexte dans Un Roi au chapitre 22, les versets 52 à 54. Ça va nous donner un peu plus d'informations. Azakia, fils de Achab, vous êtes toujours dans le roi, chapitre 22, verset 52, régna sur Israël à Samarie, la 17e année de Josaphat, roi de Juda, il régna 2 ans sur Israël. Il fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Il marcha dans la voie de son père et dans la voie de sa mère, et dans la voie de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il servit Baal, et se prosterna devant lui, et il hérita l'Éternel et le Dieu d'Israël, comme avait fait son père. Quand on lit l'histoire d'Israël, on voit qu'à un moment donné, il s'éloignait, et puis il prenait des idoles, des sociétés ou des nations païennes, et là, ça allait tellement mal qu'ils criaient à Dieu, puis Dieu les délivrait. Et ce matin, on va voir la puissance de Dieu et sa miséricorde. C'est très violent ce matin, je vous le dis. Ça ne paraît pas, là, mais c'est assez violent. Je vais le lire. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il eut une grande famine dans la Samarie. Ils la serrèrent tellement qu'une taille d'âne valait 24 sicles d'argent et un quart de cab de fiente de pigeon. 5 sicles d'argent. Et comme le roi passa sous la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. » Elle répondit, « Si l'Éternel ne te sauve, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? » Et le roi lui dit, « Qu'as-tu? » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, « Donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui. Et demain, nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. » C'est quand même violent, là. Et le jour suivant, je lui dis, donne ton fils, et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils, et lorsque le roi entendit ces paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Et on voit la réaction maintenant du roi. Le roi dit, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur, si la taille d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Or, Élisée était assis dans sa maison et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui, mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens, « Voyez-vous ce que le fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête? Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de mon maître, ne se fait-il pas entendre derrière lui? » Il leur parla encore et déjà, le messager était descendu vers lui et disait, « Voici, ce mal vient de l'Éternel, qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel? » Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un sicle et 2 mesures d'orge pour un sicle à la porte de la Samarie. » L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? » Et Élisée dit, « Tu verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourons? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Et s'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. » Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et d'un bruit de chevaux, un bruit d'une grande armée. Ils s'étaient dit l'un à l'autre, « Voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois Éthiens et les rois Égyptiens pour venir nous attaquer. » Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Le camp tel qu'il était, ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans la tente, mangèrent et burent, et emportèrent de l'argent et de l'or, et des vêtements, et qu'ils allaient cacher, et revinrent pénétrèrent dans une autre tente, et emportèrent des objets pour aller les cacher. Puis ils se dirent, l'un à l'autre, « Nous n'ajoutons pas bien. C'est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence, et nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant, allons informer la maison du roi. » Nous allons nous arrêter ici pour débuter. Alors, le premier point que j'aimerais faire ressortir, c'est la circonstance de la bonne nouvelle. Alors, on a ça au verset 24 et 25. Il y a une grande famine. Alors, si vous, je ne sais pas, vous avez déjà lu sur les stratégies de guerre, mais à quelques occasions, des fois, ce qu'on faisait, c'est qu'on entourait une ville, puis on attendait. On attendait, puis les gens n'avaient plus de nourriture, il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus rien. Puis là, à un moment donné, c'était l'abandon. On sortait le drapeau blanc, puis c'était terminé. Mais avant d'arriver là, ça prenait du temps. Et juste pour vous dire comment ça prenait du temps ici, juste la valeur de la tête d'un âne, c'était 80 sicles d'argent. Ça ne nous dit pas grand-chose ce matin, mais un sicle d'argent, généralement, c'est à peu près une pièce d'argent. Une pièce d'argent, c'est environ 5 grammes. Alors, ce qu'on peut voir, les grammes, l'argent aujourd'hui, mettons, 1 gramme d'argent, ça vaut 75 cents. Alors, si vous en avez 5, alors ça valait à peu près 300, pas 300, mais 3,75 $. Et ce qu'on peut voir pour les 80, c'est 80 qu'on dit? Oui. Alors, ça prenait généralement une pièce d'argent, ça prenait une journée de travail. Autrement dit, pour acheter cette tête-là, il fallait qu'il travaille 80 jours. Ça, c'est juste la tête, là. Je ne sais pas si vous savez, mais y a-t-il beaucoup de nourriture après une tête? Je ne le sais pas. Moi, je n'ai pas été élevé sur la ferme, mais une fois, je suis arrivé chez mes beaux-parents, puis il y avait une tête de cochon sur le comptoir. Je suis pas habitué de voir ça, moi, là. OK? Il me semble qu'il n'y avait pas grand-chose à manger après ça. Hein? C'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? De la tête de fromage, Marie ou Denis? C'est ça qu'on fait? De la tête de fromage? Alors, moi, je n'ai pas été élevé à ça, là. Hein? Alors, mais une tête d'âne. Écoutez, ça coûtait 80 pièces d'argent. Il fallait que tu travailles 80 jours. Ensuite, vous avez, juste pour vous dire ce que je trouve qui coûtait encore plus cher, c'est la fiente de pigeon. Je vais être très poli. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi, mais on va utiliser le mot « crotte ». OK? C'était de la crotte de pigeon. Et ça, ça coûtait 5 pièces d'argent. Alors, autrement dit, il fallait travailler 5 jours pour avoir ça. Et 5 pièces, si vous regardez, j'ai travaillé un petit peu là, là-dessus pour un quart de câble, là, ça représente 1,33 $. Alors, tu avais 1,33 $ de crotte pour 3,75 $ à peu près. C'est quand même quelque chose, là. Mais vous allez dire, c'est pas cher, hein? Pas cher, 3,75 $. C'est pas cher. Ça fait à peu près 60 $, mettons, 75 cents fois 80. Mais si on le mettrait aujourd'hui, si on le contextualisait, aujourd'hui, Le salaire minimum, c'est à peu près 12 $, c'est ça, à peu près? J'essaie de trouver ça, là, mais 11,25, bon, mais on va prendre 12 parce que je fais juste les chiffrons. Vous travaillez 8 heures, ça fait 96 $. Alors, pour les cotes de pigeons, ça vous coûte 480 $ aujourd'hui pour avoir ça. C'est quand même quelque chose. Si vous pensez à la tête, 80 fois presque 100, c'était exorbitant. Alors, c'était d'une façon, là, ça durait, puis les gens se sont épuisés, les gens ont tout dépensé ce qu'ils avaient, puis arrive à la fin, ça a augmenté. Parce qu'on sait que le marché, moins qu'il y en a, qu'est-ce que ça fait? Ça fait grimper. Alors, le produit. Alors, il faut se souvenir de ça. Aussi, il faut se souvenir que l'âne, dans Lévitique, c'était un animal impur. Alors, on est en train de briser toutes les règles. Mais quand vous avez faim, quand vous êtes dans un contexte, c'est facile de dire, « Hey, hein? » C'est facile de dire à quelqu'un, « là, tu ne devrais pas faire ça » ou « Tu devrais faire ça ». Mais quand tu es dedans, c'est très différent. Et on peut voir, je dirais, que le summum de la famine, la folie à son maximum, c'est que là, tu perds tous tes repères. Et les versets 28 et 29 sont très durs, c'est très violent. Le roi lui dit, « Qu'as-tu? » Et elle répondit, « Cette femme m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Le jour suivant, je lui dis, donne ton fils et nous le mangerons, mais elle l'a caché. Lorsque le roi entendit ces paroles, là, cette femme déchira ses vêtements. Ça, là, quand vous arrivez là, généralement, c'est la survie. Vous êtes rendu un cannibale. C'est le cannibalisme. Et ça veut dire qu'il n'y a plus rien à manger. Vraiment. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, dans cette histoire-là, pourtant, ça fait 30 ans que je le lis, mais on a vu des films où ce que les gens ont mangé des gens. OK, généralement? Mais on les a mangés, ils étaient morts. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film que l'avion atterrit là, dans les montagnes, puis là, les gars, ils n'ont plus rien à manger, mais il y a du monde dehors, mais ils sont gelés, ils sont morts. Ici, ce que je trouve très cruel, c'est quoi? Les enfants sont vivants. Hey, c'est un non-sens. C'est inhumain. Ils prennent les enfants, les tuent, puis les font cuire, puis les mangent. C'est quand même quelque chose. Ça dépasse notre entendement. Vous savez, l'être humain, on peut dire que c'est pas facile à suivre toujours. Et puis des fois, ça prend des circonstances comme ça pour comprendre. Maintenant, l'effet d'avoir la bonne nouvelle au verset 8, généralement, ça prend une mauvaise nouvelle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ça prend une mauvaise nouvelle pour arriver là. Et ce que j'aimerais ce matin, c'est que vu que c'est la bonne nouvelle, le sujet, c'est que nous, la bonne nouvelle dans le Nouveau Testament, c'est quoi? C'est l'Évangile. C'est l'Évangile. Alors, même dans ici, ce qu'on peut voir, c'est que la famine, il y avait une mauvaise... Là, les gens sont désespérés au maximum. Mais si on fait des liens avec la bonne nouvelle, l'Évangile, c'est le même principe. Avant d'avoir une bonne nouvelle, avant que l'Évangile soit une bonne nouvelle, parce que c'est cela, il y a une mauvaise nouvelle. C'est quoi? C'est la séparation de Dieu. On est séparé de Dieu. Je dirais que c'est très cruel de manger ses enfants. Quand tu es rendu que tu manges ta progéniture, ça ne va pas bien. Mais d'être séparé de Dieu pour l'éternité, ce qu'on appelle communément l'enfer, ce n'est pas un sujet qu'on aime. Ce n'est pas un sujet qui est d'actualité aujourd'hui. Parce que pourquoi? Parce que tout le monde va au ciel. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Tout le monde va au ciel. Mais ce n'est pas vrai. Pendant mes vacances, j'ai eu une urgence. Il y a un frère, un pasteur qui m'a appelé d'une autre église. Il était très malade. Okay? La grippe est très mauvaise, il était au lit. Noël, je dois faire un service funéraire. Est-ce que tu le ferais pour moi? Alors, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On va dire oui, parce qu'on est en équipe. Alors, j'ai accepté. Je suis parti de chez nous, là, fait un aller-retour, c'était dans la région de Malbaie, là. On n'était pas à Porte, là. Okay? Je suis arrivé là, je ne connaissais personne. Le salon funéraire, c'était pacté, j'avais jamais... C'était longtemps que je n'avais pas vu ça. Ça paraissait, c'était une petite place. Tout le monde se connaît. Alors, le monsieur qui était décédé, on faisait le service funéraire d'un homme de 57 ans. Il était mort du cancer des poumons. Là, tu rentres là, puis tu vois tout ce monde-là. Puis même, il y en avait debout. Puis la sœur en question voulait que je prêche l'Évangile. Pensez-vous que c'était facile de dire aux gens? C'est pas tout le monde qui va au ciel. Moi, je vais vous dire quelque chose, là. Tu sais, si j'aurais dit, là, « Ah, tout le monde va au ciel, vous êtes tous beaux, vous êtes tous gentils », là, me semble qu'il m'aurait aimé. Hein? Mais là, j'ai dit, « Non, non, c'est pas tout le monde qui va au ciel. C'est la mauvaise nouvelle. » Et puis nous, on doit s'en souvenir. C'est ce qui nous attendait, chacun de nous. C'est ce qui nous attendait. Parce qu'à cause de la chute d'Adam et Ève, on est séparés de Dieu. C'est ça, l'enfer. Puis quand les gens ils disent que l'enfer est sur la terre, à quelque part, ils ont raison aussi parce que ceux qui ne sont pas nés de nouveau sont séparés de Dieu. Alors, c'est le même principe. Puis, dites-vous une chose, ce qui est difficile aussi dans l'enfer, c'est que c'est éternel. Hein? Mais aujourd'hui, dans le milieu évangélique, vu que je suis un évangéliste, j'enseigne, je côtoie les gens, il y a même dans le milieu évangélique, on commence à dire que l'enfer, c'est temporaire. Parce que c'est trop dur. C'est très cruel quand vous pensez à ça. Il y a des gens qui commencent à dire, après un certain temps, tu vas être détruit, ton ADN va être détruit, puis tu ne souffres plus. Fini. On appelle ça annihiler. Okay? Même dans notre milieu, les gens commencent à croire ça. Mais la Bible ne dit pas ça. Si tu prends Daniel, exemple, dans le chapitre 12, il dit que tu vas avoir ceux qui vont ressusciter vont avoir la vie éternelle, puis les autres vont avoir la honte éternelle. Pour avoir la honte éternelle, il faut que tu sois vivant. Oui. Tu ne peux pas passer à côté de ça. Quand vous pensez aussi à Matthieu, chapitre 25, lorsqu'il parle du jugement des nations, puis il dit qu'il y en a qui vont aller, ils vont avoir la vie éternelle, puis il y en a qui vont avoir le châtiment éternel. C'est quelque chose. C'est très cruel et c'est très violent ce matin. Qu'est-ce qui se passe avec les enfants en cette histoire? Mais l'enfer, c'est très violent aussi. C'est quand on commence à penser à ça, c'est difficile. C'est pour ça, tantôt, on va arriver avec la bonne nouvelle. Quand j'étais là, devant tous ces gens-là, j'avais l'impression qu'ils étaient en train de tout me lapider. Ils m'ont regardé avec des yeux, là, s'il y avait eu toutes des carabines, ces gens-là, je ne serais pas avec vous ce matin. Mais j'ai dit quand même qu'il y avait une bonne nouvelle. J'ai dit, il y a un visiteur qui est venu du ciel, puis qui est venu régler ce problème-là. Et c'est Jésus. C'est Jésus. Encore une fois, le texte que j'ai pris, j'aime beaucoup le texte dans Ecclésiaste, au chapitre 7, le verset 2, qui dit, « Vaut mieux être dans une maison de pleurs que dans une maison de rire ou de fête. » Okay? Car c'est la fin de tout homme. Puis c'est bon, puis je vais le vulgariser, c'est bon de prendre cela à la réflexion. Vous savez, tout le monde, c'est drôle, quand on se marie, on se prépare pour notre mariage. Quand on a des bébés, on se prépare pour recevoir nos bébés. On fait la chambre, on peinture, on fait tout ce qu'on achète, même les petits pyjamas, puis les couches, puis pas arriver encore, puis on a les couches, on est prêt. C'est drôle que les gens, la plupart des gens, ne se préparent pas pour la mort. Ne se préparent pas. Il faut réfléchir à ce point-là. Alors, c'est la mauvaise nouvelle. Il faut avoir une mauvaise nouvelle. Maintenant, au chapitre 7, on a la description de la bonne nouvelle. Là, les gens, comment ils ont tellement faim, là. Mais on arrive au chapitre 7, le verset 3. et jusqu'à 9. Élisée, okay, nous décrit qu'est-ce qui va arriver. Puis dans la même journée, là, il va se passer quelque chose où est-ce qu'on va avoir de la farine et on va pouvoir manger. Verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux. Ils se dirent les uns aux autres, quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourons? Puis là, ils se sont dit, ces gens-là, on n'a pas le choix. Si on y va, on meurt. Si on reste, on meurt. Mais on décide d'y aller. Puis là, ils sont arrivés. Et puis, ce qui est très intéressant, encore une fois, l'auteur de la délivrance, ce n'est pas les hommes. L'auteur de la délivrance, c'est le Seigneur. Si vous remarquez dans l'histoire, ce que je trouve ça très intéressant, il n'y a personne qui a prié Dieu pour ça. Mais on a vu dans l'introduction, puis on voit que vous avez des psaumes, vous avez des textes, que Dieu il va sauver son peuple. Et ici, le Seigneur délivre son peuple. Les Syriens étaient à la porte de la ville. Et tout à coup, Dieu permet que ça fait comme du bruit. Je ne sais pas que ça fait comme un bruit là, de chevaux, puis de scie, puis les gens qui courent. Mais une chose est sûre, ils ont eu peur, puis ils se sont partis. Alors, ils vont avoir de la nourriture. Ils vont avoir de la nourriture. Ils vont manger. Et c'est la même chose pour nous, spirituellement, ici, dans notre société, dans notre région. On pense que les gens n'ont pas faim spirituellement. Mais oui, ils ont faim. Ça ne paraît pas, mais ils ont faim. J'ai ici quelques statistiques très intéressantes. 55,8% des Québécois croient aux anges. Est-ce que vous saviez ça? Ils ne croient pas au Seigneur, mais ils croient aux anges. Puis ils ont chacun leurs anges gardiens. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Puis il y a les archanges au travers de ça. Puis il y a des noms d'archanges comme Raphaël. Je ne sais pas ce qu'ils l'ont pris. Parce qu'il y a seulement deux archanges dans la Bible. Est-ce que vous vous souvenez lesquels? Il y a Michael puis Gabriel. Je ne sais pas ce qu'ils ont pris Raphaël. OK? Je ne sais pas ce qu'ils l'ont pris. Mais 55,8 des gens croient aux anges. Ça, c'est léger, là, sondage léger et marketing. Est-ce que vous savez que 34,2 des Québécois croient aux extraterrestres? Hey, c'est quelque chose, là. 34% des... En fait, il y a une recherche spirituelle. C'est clair. Il y a une recherche. Ensuite, c'est très intéressant, 20,9% des Québécois croient à la réincarnation. 20% de la population croit qu'ils vont se réincarner. J'espère que ça va être meilleur pour eux dans leur propre réincarnation. Aussi, vous avez, même 15% des gens québécois croient aux sorcières. Aux bonnes sorcières. Hein, on s'entend? On a été influencés, vous ne trouvez pas? L'émission, là, quand j'étais jeune, c'était quoi, donc? Ma sorcière bien-aimée! Il n'y a pas de mauvaise sorcière! Mais écoutez, une sorcière, c'est quoi d'habitude, là? C'est méchant! C'est vraiment incroyable. Alors, les gens ont une recherche. Et vous savez, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est de voir que le Seigneur a pourvu à leur nourriture. Il les a délivrés, les gens ont laissé là. Et ils vont pouvoir manger bientôt. Et c'est très intéressant aussi, c'est qu'on peut voir que lorsqu'on parle de la bonne nouvelle, on peut être rassasié. Jésus a dit, « Je suis le pain qui vient du ciel. » C'est pas beau, ça? On peut être rassasié, nous, ce matin, spirituellement. Maintenant, troisième point, la responsabilité face à cette bonne nouvelle au verset 9. Je ne sais pas, là, mais si on regarde juste, on revient au verset 8. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente et mangèrent et burent. Quand ça fait longtemps que tu n'as pas mangé, là? Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont mangé. Combien de temps ils ont mangé? Puis ils ont bu au travers de ça. Et puis là, il semble qu'ils ont été rassasiés. Et ils sont sortis, puis ils ont rentré dans un... Il semble que dans cette propre tente-là, il y avait de l'argent, de l'or, des vêtements... ils allèrent cacher. Ils ont pris tout ce qu'il y avait là, puis ils allèrent le cacher. Puis ils emportèrent des objets pour justement aller les cacher. Puis là, au verset 9, il y a une prise de conscience qui se produit. Il y a une prise de conscience. Il dit, puis il leur dit l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. » On ne peut pas garder ça pour nous. On ne peut pas garder le silence. On ne peut pas. Et ce que j'aimerais voir là, dans cette prise de conscience, c'est que c'est la nouvelle qui les a motivés. C'était la nouvelle qui pouvait dire aux gens, « On a trouvé de la nourriture. » Ça le dit, c'est une bonne nouvelle. L'Évangile aussi, c'est une bonne nouvelle. Ça doit sortir de nos tripes. Juste vous donner un exemple. Vous auriez gagné 50 millions hier. Ça paraîtrait-tu dans votre visage? Hein? Vous auriez rentré ce matin, vous m'auriez dit, « Ah, Noël, j'ai gagné 50 millions. » C'est triste. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Non, mais c'est l'effet de la bonne nouvelle. Ça doit sortir. C'est ça l'idée. Ce que je veux ce matin, c'est pas l'idée qu'en 2017, là, vous vous sentez coupable, puis il faut dire la bonne nouvelle, il faut prêcher l'Évangile, il faut parler. Non, c'est pas ça. Ça doit sortir de nos tripes, ça doit sortir de notre cœur. N'oubliez pas là, de où ce qu'on vient. Il y a 4 lépreux, mais on était tous des lépreux ici. Pourquoi? Parce que souvent, la Bible prend l'image du péché. C'est quelle l'image qu'elle va prendre pour le péché? C'est la lèpre. On est tous des lépreux. Vous savez? On n'est pas meilleurs que les autres. Mais c'est l'effet de comprendre la bonne nouvelle. On ne peut pas garder ça pour nous. C'était très intéressant hier dans l'enseignement que François Turcotte nous a dit. C'était la première fois que je l'entendais, mais je trouvais ça très intéressant. Il disait, au lieu d'une église locale, il disait, on est une église bocale. Qu'est-ce qu'il voulait nous dire? Qu'est-ce que vous pensez qu'il voulait nous dire? On est fermé, on vit avec nous autres, entre nous. C'est très intéressant, je n'avais jamais entendu cela. On a une tendance à être une église bocale au lieu d'être une église locale. Alors, ça fait réfléchir. Mais c'est dans le sens de la bonne nouvelle, c'est parce que si on est capable de la communiquer, c'est parce qu'on l'a vécu. C'est ça que je veux vous encourager ce matin. Si on l'a vécu, là, si on a compris qu'on était lépreux, si on a compris que c'était pire, l'enfer est pire que la famine, mais un jour ou l'autre, ça va sortir. On ne peut pas garder ça pour nous. On ne peut pas. C'est ça l'idée que je veux qu'on s'encourage en 2017. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette bonne nouvelle-là? On a besoin. Et ce qui est très intéressant ici, c'est de voir que ça, là, on l'a, nous. Ce n'est pas parce qu'on est plus intelligent. Puis, d'une façon ou d'une autre, hein, si vous avez déjà écouté des commentaires ou lire des livres sur les sectes, c'est que généralement, les sectes, c'est très fermé. Ils ont une tendance que quelqu'un rentre dans la secte de couper cette personne-là de leur propre famille. Nous, c'est le contraire. Nous, on dit, va! Rencontre ta famille. Partage ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est ça la bonne nouvelle. On ne veut pas être une église bocale. On veut être une église locale. Va, partage la bonne nouvelle. C'est ça l'idée. Alors, dans ce sens-là, c'est juste de se rappeler ce matin qu'on a cette bonne nouvelle-là. Je sais qu'on l'a tous. Vous le savez, ça. Mais de temps en temps, on l'oublie. De temps en temps, on a vécu des mauvaises expériences, mais j'aimerais, de temps en temps, on n'a pas vu le fruit. Puis ce que j'aimerais ici, c'est le quatrième point. Ce qu'on peut voir, le quatrième point, c'est quoi? C'est que les faits qu'ils ont partagés, le peuple a pu manger. C'est pas beau, ça? C'est pour ça, les gars, ils ont eu une prise de conscience. Ils mangeaient, puis ils mangeaient, puis ils mangeaient, puis là, les autres savent qu'ils sont en train de mourir. Là, ils ont dit, hey, non, il faut faire quelque chose. Il faut aller voir, il faut le dire, il faut le partager. Vous savez, je dirais que une des belles conséquences de partager l'Évangile, premièrement, c'est de voir que les gens comprennent que Jésus, la bonne nouvelle, c'est une personne, c'est un plan de sauvetage qu'il a fait pour l'humanité, puis que là, tu peux t'approprier ce plan de sauvetage-là. Mais la beauté de cela, c'est que la vie des gens change. Alors, regardez-vous, là. Pensez comment vous étiez il y a 30 ans, pour les plus vieux. Pensez aujourd'hui, il y a 15 ans, 10 ans, 5 ans, 1 an. Souvenez-vous, la première semaine que vous avez compris l'Évangile, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Hey, si vous auriez eu des ailes, qu'est-ce qui aurait arrivé? Vous auriez volé. On était tellement excités par la bonne nouvelle. Tellement excités. Ah, vous avez eu des changements dans vos vies. On n'est pas arrivé. OK? Vous êtes d'accord avec ça? Moi, quand je me regarde dans le miroir, encore, je ne suis pas arrivé. Mais il y a des choses que je ne fais plus, du moins. Ça ne paraît pas, là, mais je ne veux pas que vous ayez peur de moi après que je vais vous avoir dit, mais j'étais un voleur. OK? Alors, si vous me prêtez votre char, n'ayez pas peur, je vais le ramener. Il n'y a pas de problème avec ça. OK? Mais je ne veux plus voler aujourd'hui. Je ne veux plus faire ça. Et vous, c'est la même chose dans vos vies. Souvenez-vous de où vous venez. C'est qu'on oublie souvent de où on vient. On oublie les circonstances dans lesquelles on était. Puis on pense qu'on est arrivé à quelque part. Et c'est ça qui fait que des fois, on oublie la bonne nouvelle. C'est important de réaliser ça. Avec Roger, vous savez, avec Roger est venu avec moi en Abitibi il y a quelques mois. Et puis, on a prêché l'Évangile, puis le monsieur a fait profession de foi. Et puis, on a gardé le contact, j'ai gardé le contact. Puis, une des choses qu'il y avait, il avait peur tout le temps. Il dit, si je meurs, je ne sais pas si je suis sauvé. Si je meurs, je ne sais pas si j'ai essayé de faire de... Il comprenait que Jésus était le Seigneur, il comprenait que Jésus était le Sauveur, mais il avait peur qu'il n'avait, encore une fois, pas fait assez. Vous le comprenez? Hein, on le comprend, il n'avait pas fait assez. Mais savez-vous, aujourd'hui, je lui ai parlé cette semaine, Noël, je n'ai plus peur de mourir. Hey, hein? Roger y a envoyé des calendriers. Roger y a envoyé le petit sticker pour les émissions de TV. En tout cas, Roger, il prend bien soin de ce gars-là. Puis il m'a dit, j'ai plus peur maintenant. J'ai confiance que si je meurs, je vais avec Jésus. Pas parce que j'en ai pas assez fait ou quoi que ce soit, c'est lui qui m'a sauvé. Ça fait toute la différence. C'est toute la différence. Et une des choses que je voulais vous dire ce matin, c'est que souvent, le salut, la bonne nouvelle, on pense que c'est juste le jour de notre salut. On pense que, bon, j'ai été sauvé, on comprend tout ça, on va au ciel, pas parce qu'on est bon, pas parce qu'on lit la Bible, pas parce que, mais on comprend que c'est par Jésus. C'est lui le Sauveur, c'est lui le Seigneur. Mais on dirait qu'un coup qu'on a passé cette porte-là, on oublie tout ça. Pourtant, il nous a délivrés de l'enfer. Est-ce que vous ne pensez pas que Jésus peut vous délivrer de ce que vous vivez aujourd'hui? C'est ça l'Évangile qui est vivant. On dirait qu'on accepte le Seigneur, on est tout fleu, tout flamme, ça roule, puis on est content, puis on a passé la porte du salut, mais on dirait qu'après, Jésus ne peut plus rien faire. Puis là, on commence à faire nos affaires tout seul. Puis là, on dit ça, on essaye, puis on a plein de trucs, puis on dit, regarde, ça je vais faire, puis tu sais, « Ah, il a dit qu'il a pris soin de moi, mais il dit ça, mais je vais faire telle chose pour être sûr. » C'est quand même quelque chose, là. Jésus peut vous délivrer de ce que vous vivez aujourd'hui. C'est ça, l'Évangile. Il nous a pardonné de nos péchés. C'est ça l'Évangile, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 3. Il est mort pour nos péchés. Quand cette déclaration fait que la dette a été payée, on est délivré. Pourtant, plusieurs d'entre nous, on pêche, puis là, on vient tout croche, puis on veut mourir. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Si l'Évangile est vivant, qu'est-ce qu'on devrait faire aujourd'hui? Dis, Seigneur, pardonne-moi. Tu es mort pour ça. Ben non, ce qu'on fait, c'est qu'est-ce qu'on fait généralement? On se sent coupable. On fait de l'apitoiement. Puis on se dit, pauvre de moi. Je ne suis pas gentil. Hein? C'est ça qu'on fait. On se fait une auto-flagellation. Mais non, qu'est-ce que l'Évangile ferait? Qu'est-ce que l'Évangile avait fait le premier jour de ta vie? Elle t'a pardonné tous tes péchés. Hey, c'est pas une bonne nouvelle? Ça, c'est la bonne nouvelle. Je suis un pécheur. Il faut se souvenir d'où on vient. Je suis un pécheur gracié. Je ne suis pas meilleur que les autres de l'extérieur. On est juste gracié. Le problème, des fois, c'est qu'on pense qu'on est arrivé à être bon. D'accord avec ça? On pense qu'on est arrivé à être une bonne personne. On fait peut-être une bonne action, mais on est loin d'être une bonne personne. Moi, je dois vous avouer, je suis tellement pécheur, là. J'ai besoin de Jésus tout le temps. Quelqu'un me demande un service. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Je suis pécheur! C'est quoi? N'ayez pas peur, dites-le. Pas plus, puis qu'est-ce que ça va me rapporter? Hey, je suis méchant, là! Confession d'un pasteur devant vous ce matin. Hein? J'espère que vous allez me parler pareil après, là. Mais c'est ça, pareil, on est une gang de pécheurs. Mais gracié. Vous comprenez ça? Gracié. Et ça, c'est libérant quand vous êtes capable de dire, je suis encore un pécheur. J'étais pécheur avant de connaître Jésus, qui c'est mon Seigneur, mon Sauveur. J'ai été gracié par lui, je crois qu'il m'a sauvé. Mais je suis encore un pécheur, pour l'instant. Mais un jour, ça va être fini. Allez, au revoir de cette journée-là. Moi, là, c'est quand le Seigneur va dire, Noël, fais ça, je vais y aller tout de suite. Là, il me parle aujourd'hui, fais ça. Pas sûr, Seigneur, je n'ai pas le temps vraiment. Mais on a plein. L'Évangile est encore vivante aujourd'hui, même après 35 ans, 40 ans. L'Évangile, il m'a pardonné mes péchés, mais ben, l'impact de ça, la conséquence de ça aujourd'hui, si je veux vivre l'Évangile, il va me pardonner encore aujourd'hui. Moi, c'est rassurant. J'aime ça. Ça me rassure. Je n'ai pas envie de mourir quand on croit ça, là. Est-ce que vous comprenez? Puis je le sais que je ne serai pas gentil demain encore. T'es grave, toi, Noël, de penser comme ça. Bien, c'est pas que je suis grave, je suis un pécheur. Je veux juste être de vous dire puis qu'on est dans une réalité. Il n'y a pas un péché que Jésus ne peut pas vous pardonner aujourd'hui. Est-ce que vous savez ça encore? Pas un péché. Pas un péché. Puis, comme on a vu dans l'histoire, l'Évangile nous délivre aussi. Jésus nous accompagne. On pourra regarder plein de versets ce matin. Mais Jésus est là, puis il nous accompagne. Mais on vit comme s'il ne serait pas là. Et ça nous amène dans des découragements. Ça nous amène dans des désespoirs. C'est pour ça que j'aimais ça, lire le premier verset dans Romains 15. Je voudrais ce matin, quand vous allez partir, que vous allez avoir de l'espoir. Cette semaine. On vit toutes sortes de choses. Je les vis comme vous. J'arrive de vacances. Puis je rentre dans mon travail, qui est le ministère. Mais hey, le premier jour, j'en ai vu de toutes les couleurs, première journée. Hein? Puis c'est pas juste à Victo, c'est partout, là. On est toute une gang de pêcheurs ensemble, là. Hein? J'étais arrivé à Beauport, là, puis ils m'attendaient, eux autres, ici. On s'attend tous. Hein? Eh, mon ami. Un peu plus, j'ai dit, je vais reprendre des vacances, je pense. Je vais revenir dans un mois. Je me le dirai. Mais voyez-vous, Ce qui fait la différence, c'est que l'Évangile est encore vivant aujourd'hui. C'est vivant. C'est pas statique. On n'a pas été sauvé, bang, une journée, c'est fini. C'est vivant, c'est à chaque jour qu'on peut vivre la délivrance de l'Évangile. Chaque jour, on peut voir les conséquences positives dans notre vie. Alors ce matin, j'espère que vous allez partir d'ici, vous allez être encouragé. Encouragé. De dire, l'Évangile est encore là aujourd'hui, elle peut m'aider, le Seigneur Jésus, il va me délivrer encore. Et c'est pour ça qu'on va prendre un temps de prière maintenant. Prendre un temps. Alors, priez fort, priez court pour qu'on puisse vous entendre. Soyez bien à l'aise.